Judas s'est tout cassé. N'avons-nous là de malheur et de mots bien assez? D'hommes et de mamba, tout tombe à Calédonie. Qui reste aboriginal à la fin des colonies? Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la peur et les remords. Mais si l'on vous dit Dieu est noir, Marie est belle et ange y voit. Et à cadencer, cadencer, Biguine et Zouké, gaz et fit tout mélanger, grâce pour tout coller. Et à carouler, soigner, secouer à nous aller, à jamais nous t'oublier. Couleurs et sans mêler. Un SS20 ou un SS à chacun ses héros. Varsovie ou Soweto, à chacun ses ghettos. Jeter gitan, humilié, homo pour un bon arrière. Mille Indiens décimés pour un fier américain. Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la peur et les remords. Mais si l'on vous dit Dieu est noir, Marie est belle et ange y voit. Et à cadencer, cadencer, Biguine et Zouké, gaz et fille tout mélangé, passé pour tout coller. Et à carouler, secouer à nous aller, à jamais nous tout lier, couleurs et sans mêler. Gazé, fit tout mélanger, grâce pour tout coller. Et à carouler, swinguer, secouer à nous aller, à jamais nous tout lier, couleur et sans mêler. Et à cadencer, cadencer, Biguine et Zouké. Gazé, fit tout mélanger, grâce pour tout coller.